Voici, en 30 minutes environ, de larges extraits de la dernière comédie écrite par Molière en 1673, Le malade imaginaire. Si l'on n'est pas très sûr de ce que la vie même de Molière a apporté à cette comédie-ballet, on est par contre sûr qu'il mourut peu après l'avoir joué pour la 4e fois le 17 février 1673. Cette comédie de Molière est précédée d'un prologue, tout à la gloire du roi Louis XIV, qui, en 1673, revenait victorieux de sa guerre menée aux Pays-Bas. En voici quelques vers. Louis est de retour. Il ramène en ses lieux les plaisirs et l'amour. Ce qu'on fait pour Louis, on ne le perd jamais. Louis est le plus grand des rois. Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie. Quand on sait que la troupe de théâtre dirigée par Molière était la troupe du roi, qui jouait au palais royal, on comprendra mieux cet éloge très appuyé de Louis XIV. Mais Louis XIV n'assista pas à la représentation prévue par Molière. Venons-en maintenant à la comédie proprement dite.